bitume, l'instinct du bitume. MC Kalashnikov. Néochrome. On débarque et braque le rap tel des mafieux. Tu ne feras pas mieux que l'unité de feu. Si tu nous trahis, on se dit adieu. Les visages radieux se déforment lorsqu'on fusille les beats. Je suis vite spiff qui me reste, je suis bloqué en musique et crime. Il me suffit d'écrire pour punir les pitres et m'évader. Les putains de pots cassés, je peux pas les réparer. Je suis décalé dans ma bulle depuis des années. À cause du RAP, je ne veux plus aller taffer. T'as vu ce qu'on vit, il est douloureux. Soubeux, du matin au soir, atteint au foie. Mais sur le terrain, on est tous fougueux. C'est toujours ceux qui assurent, qui partent en premier. Au moins qu'on charcute, sale pute, mate les crânes sous mes pieds. La lame au cou, une arme dans mes coudes. Du shit dans mes tours, rien à foutre. Chez nous, c'est pas les putes qu'on écoute. De son litre qu'on écoule, crois pas qu'on écoute. La con dans les poutres, et nique la bague, on tire dans les poules. Demande au cou ce qui est véridique, instinct criminel. À cause des depths, c'est juridique, plante à l'opinel. Je vais faire sauter les phares, arts, comme être un bazar. Dangereux comme un attentat, qui frappe dans un gratte-ciel, ça le lame. Kiffe pas trop, pour du buif, on te fait sauter ton slip, pardon. Dis pas trop, fuis. T'as vu ta mine. Elle kiffera bien, tu sais la pique, moi j'ai le style canon. Sur le team, enfant du béton. Je fais partie de ceux qui sectionnent, ceux qu'on soupçonne, frère, les voix du sous-sol. Enfant du béton, ils m'arracheront pas le sourire. 77 550 façons de mourir. Enfant du béton, on est venu encaisser l'échec. C'est le retour du Rage Check, check. Enfant du béton, lui passe ton spray, son track, bang, bang. C'est un test, pas ici de faire. T'as plus de couilles sans ton arsenal. V'là l'insolite, tu peux pas baiser Brasco, même si t'as l'air insolide. J'suis le cauchemar des tosmas dans le quartier. C'est hoche, y'a trop de morts et pas assez de brancardiers. Yeah. Ton bombardier va se manger des trous. T'es fou, t'as pété un boulon, faut changer les trous. J'ai concocté l'opium avant que les connards s'immiscent. T'as pas confiance, demande à mon diplôme d'alchimiste. Que ça résonne jusqu'au star à l'Elysée. Que les sexy lèchent mon chocolat caramélisé. Brasco est là, va pas dire que c'est la fête. Je vais glisser la tête, si t'as mille par balle, je vais viser la tête. Ceux qui ont mes têtes rasées, ceux qui sont locks, c'est les chiffres. Car ici la devise, c'est fuck les déguises. Si un coup je me lance dans le proc, c'est nettise. C'est plus fort que moi quand je vois M6. Faut que je le détruise. Blair, fuck my bitches. Ce vieux oblige, quand y'a trop de keufs, on se volatilise. On veut le Glock à 10 piges. Mais la cagoule comme t'aurais mis la pote à déguise. Ici c'est vodka, Phyllis. J'suis qu'un soldat et j'souhaite jusqu'à la m'tirige. Ici y'a trop de gars qui visent, mais les rockers divisent. Faut bien que le bif se rentabilise. Enfant du béton, moi si j'ai l'amour, on veut des chaînes d'animaux, des anciens en marmot. Enfant du béton, ils m'arracheront pas le sourire. 77 550 façons de mourir. Enfant du béton, lui passe ton spray, son flag, bang, bang. C'est un test pour homicide, faire la peine. Enfant du béton, je fais partie de ceux qui sectionnent, ceux qu'on soupçonne, frère, les voix du sous-sol. Exécuté comme Toki au royaume de la Pouka. Foutez low kick depuis Toki. Fils la lucarne, la corde au cou, garde le poing en l'air. Faut une paire de coups pour faire d'une paire de coups. Frère, on veut pas finir comme une ventouse. 12 mois sur 12, être sur le banc de touche en espérant que le vent tourne. C'est ma hantise, mon code quantum. En toute franchise, ma banquise est sur le point de faire boum. Néochrome, Farage Nicole, l'instinct du pitié.